Cette semaine à la vie en BD, le Broadway des années 20, l'adolescence et le dessin sans filet. Bon vendredi 19 septembre à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30 ici sur les ondes du 89.1. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver, je le dis à chaque semaine, mais c'est parce que c'est vrai. Toujours un plaisir de parler avec vous du 9e art de la bande dessinée dans tous ses états. Et des états, on en aura quelques-uns cette semaine, notamment en deuxième partie d'émission, il y a une initiative qui s'appelle les Comic Jam à Québec, donc des dessinateurs qui se regroupent, qui improvisent des histoires case par case, un peu à la façon de Cadavre Exquis. Alors, on aura quelques-uns des participants à ces initiatives-là. Il faut dire qu'en plus des rencontres mensuelles, ils ont commencé à lancer une version fanzine papier également de leurs explorations. Alors, on en parlera avec eux. Également de passage cette semaine, Sophie Bédard, auteur de la série Glorieux Printemps, qui a conclu sa série de 4 tomes chez Pow Pow. Donc, conclusion qui est arrivée le printemps dernier. On est un peu en mode rattrapage, mais c'est important de rattraper sur cette série-là. Une belle série, une jeune auteure vraiment qu'on aime à suivre depuis déjà quelques années. Alors, on portera un regard avec elle sur cette série qui s'est conclue et également sur les défis qui s'en viennent. Et sinon, dans quelques instants, on aura le plaisir de jaser avec l'auteur de Québec, Jeff, qui nous amène dans le Broadway des années 1920-1930, dans les années folles, dans la scène des cabarets, avec sa nouvelle série qui s'appelle Broadway. Et incidemment, donc premier tome qui est arrivé il y a quelques semaines seulement, on en discute avec lui en profondeur. Alors voilà pour le menu de cette semaine. Dans l'actualité, sinon, ben, quelques éléments à surveiller, notamment, si vous suivez la scène BD internationale, eh ben, probablement avez-vous vu plusieurs réflexions, plusieurs questionnements par rapport à Gilles Simon, qui a été évincé de la direction de la Cité de la BD et de l'Image à Angoulême. Alors, évidemment, bon, plusieurs auteurs qui estiment qu'il a été évincé sans raison, sans motif raisonnable et valable. Donc, plusieurs auteurs qui l'ont appuyé, et pas les moindres non plus. Art Spiegelman, Louis Strandem, José Muñoz, Edmond Baudouin, Emmanuel Guibert, Marc Lisano, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on dit autour de ça? Ben, c'est essentiellement que M. Simon s'est retrouvé soudainement évincé de la direction donc de la Cité après un arrêt maladie. Donc, Michel Boutan, qui est président du Conseil général de Charente et donc du Conseil d'administration de la Cité, avait fait savoir que la direction était vacante, assurant même que M. Simon n'avait jamais été renouvelé, ce qui niait par ailleurs une délibération du Conseil d'administration et 6 mois de travail dûment exécuté et rémunéré. Alors, selon la pétition, ben, on dénonce justement cette attitude d'une violence inouïe, et je cite, donc, le laissant sans salaire depuis 6 mois est du fait d'une grande négligence de ses employeurs, sans possibilité de faire valoir ne serait-ce que ses droits à une indemnisation chômage. Alors, pétition en ligne qui circule, plusieurs réflexions sur la nature de ce congédiement, sur les raisons derrière celui-ci. Alors, petit écho ici sur nos ondes de cette controverse qui tranquillement occupe beaucoup d'espace dans la planète BD. Alors, on suivra ça, évidemment. Sinon, de manière peut-être un peu plus légère, nouvelle collection chez les éditions Nomi Nomi en France. Ce sera intéressant de voir si ça traversera ici. C'est une nouvelle collection qui rassemble des adaptations en manga de grands romans jeunesse. Alors, les classiques en manga, c'est ce qu'on annonce, et le lancement Outre-mer est prévu pour le début octobre, le 9. Alors, c'est une collection qui commencerait par Nekojima, l'île des chats. Alors, l'objectif, donc, est, je le rappelle, de réunir des adaptations manga de grandes œuvres littéraires pour la jeunesse. Alors, on essaie donc d'aller rejoindre les jeunes là où ils sont, et on le sait, on le voit avec justement les pourcentages de lecture et le reste, que le public manga est très important. C'est un langage visuel qui est très apprécié, un langage narratif également par cette génération. Alors peut-être que ces textes-là les rejoindront et peut-être les amèneront aussi vers d'autres lectures. Chaque littérature, au bout du compte, devient un peu une porte d'entrée pour les autres pans de la discipline. Et sinon, en terminant, un dernier petit clin d'œil, le directeur du journal L'Humanité, Patrick Le Yarrick, a annoncé la semaine dernière, du côté de France Info, son souhait de relancer dans les prochains mois le magazine de bande dessinée pour enfants Pif Gadget. Alors là, il y a peut-être des plus vieux auditeurs qui ont quelques souvenirs. Alors, des gadgets, d'ailleurs, signés Pif, sont disponibles à partir de ce week-end, donc il essaie de le lancer. Il faut se rappeler, Pif avait été créé en 1969 par le Parti communiste. L'hebdomadaire avait disparu pour une première fois en 1993. Il était rené en 2004 sous la forme d'un mensuel. En 2009, liquidation judiciaire. Alors, deuxième résurrection, peut-être. On verra si ça aura un succès mitigé comme les précédentes occasions, ou au contraire, peut-être un succès un peu plus durable. Alors voilà pour les petits clins d'œil d'actualité. Et ben, comme à l'habitude, il y a une formation musicale qui nous accompagne au fil de l'émission. Un EP cette fois-ci de la part du groupe Half a Person. Et on écoute un premier extrait qui s'appelle Hoppin'. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez réécouter certaines émissions ou aller vous promener dans nos archives sur le web, ben c'est possible de le faire sur le blog lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, ben, au bout du fil, donc l'auteur Jeff qui a lancé il y a quelques semaines de ça, ici au Québec, sa toute nouvelle série BD, Une rue en Amérique, Broadway, donc premier tome. Il est avec nous au bout du fil pour en parler. Jeff, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ben d'emblée, en fait, si on te replace un peu et si on voit un peu ce dont on parle habituellement avec toi ici à La Vie en BD, on a parlé beaucoup d'Heroic Fantasy avec Le Crépuscule des Dieux. On t'a lu aussi, on a discuté avec toi de science-fiction avec White Crows. Et maintenant, de retour comme dessinateur et scénariste, nouvelle série. Cette fois-ci, on s'en va dans les années 20 en Amérique. On peut dire que t'aimes la variété. Ouais, ben là, je pense que là, c'est ça. J'ai fait une série complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire avec Broadway. Là, il n'y a pas de fantastique, pas de fantasy, pas de surnaturel. On est dans de l'historique, de la chronique humaine. Et qu'est-ce qui t'a lancé justement vers ce terrain-là? Pourquoi avoir envie de faire une BD autour justement des années 20, des années folles aux États-Unis? Ouais, ben en fait, moi j'ai toujours apprécié un peu l'esthétisme là, des années 20. J'avais un faible quand même pour cette époque-là. Parce que j'avais lu pas mal du H.P. Lovecraft plus jeune, donc c'est justement ça se passe dans les années 20, c'est un peu le côté bon, il y a les gangsters, il y a la prohibition, c'est une époque où est-ce que on sent que c'est, il y avait beaucoup de choses qui allaient plus ou moins bien en Amérique, mais en même temps il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'était l'arrivée du cinéma, c'était l'arrivée des grands spectacles sur Broadway. Donc il y avait une atmosphère que je voulais recréer, puis que je voulais aller rechercher avec ce récit-là. Et ce qui est important de signaler, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, avec les ingrédients dont tu viens de faire état, on pourrait s'imaginer qu'on pourrait se retrouver dans un récit noir ou des choses comme ça, mais on est vraiment plutôt dans la chronique humaine, de manière plus spécifique, donc on n'est pas dans le noir, là, si on peut dire. Non, c'est ça, c'est pas un polar, c'est pas une histoire de crime, c'est vraiment, on suit une panoplie de personnages, donc c'est quatre personnages, si on veut, principaux, qu'on va suivre, en ce cas, sur ce diptyque-là, qui finalement on va essayer de voir leur destin, c'est est-ce qu'ils vont réussir finalement à remonter un cabaret sur cette fameuse rue mythique qui est la rue de Broadway dans ces années-là, les années 20. Et donc c'est de voir un peu leur péripétie, leur malheur un peu, puis leur réussite là. Donc c'est vraiment sous cet axe-là, c'est sous l'axe aussi un peu de la magie, parce que bon, même si c'est pas un album qui a du surnaturel, c'est pas un album qui est dénué de magie, c'est un album où est-ce que j'essaie de mettre plus grand que nature le côté féerique finalement des spectacles et puis de l'effervescence qu'il y avait sur Broadway à cette époque-là. Et d'ailleurs, on imagine que c'est un album aussi qui a nécessité son lot de recherches historiques, autant sur l'image, sur l'ambiance du New York de l'époque, autant aussi sur le fonctionnement de ces cabarets-là. Effectivement, j'ai passé presque un an et demi à chercher toute ma documentation. Tout ça, c'est parti d'un livre que j'ai lu qui s'appelle « C'était Broadway ». C'était Broadway de Jérôme Charin. Puis, c'est ça. Et puis, c'est un bouquin qui était un essai sur le Broadway avant la crise. Il y avait tellement de détails, il y avait tellement d'atmosphère dans la description de Broadway que je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce que je voudrais recréer dans une histoire. En même temps, je voulais aussi parler de la réussite, la recherche du succès, un petit peu l'espèce de folie là, de vouloir être toujours mis de l'avant puis d'avoir son heure de gloire. Donc c'est tout ça mélangé ensemble, j'avais la matière pour faire une histoire intéressante. Oui, puis en même temps, c'est le genre d'histoire qui a encore des résonances aujourd'hui, dans la mesure où l'histoire de quête du succès, échec, ouais, et le reste, ça pourrait être transposé aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on n'aurait pas nécessairement eu le même recul ou pas du tout la même ambiance non plus. Non, c'est ça, effectivement, on aurait un contexte un peu différent, mais c'est les mêmes émotions qui animent finalement les personnages dans cette histoire qui peut animer les gens qui font des télé-réalités aujourd'hui. Donc c'est la même envie d'avoir finalement son visage placardé sur les affiches, d'être reconnu partout, d'avoir son heure de gloire, d'avoir son c'est effectivement la même chose. Et bon, évidemment, l'aspect qui frappe dans le récit, c'est la couleur. En fait, vous avez été vraiment, tu as été en fait vers des ambiances très très chaleureuses, très chaudes aussi, des jaunes, des sépias. On a l'impression aussi que tu as travaillé pour essayer de donner comme, je sais pas, une espèce de filtre, un peu comme si on voyait aussi une image de l'époque, donc avoir un petit côté vintage, si on permet l'anglicisme. Ouais, exactement. C'est une patine particulière que j'ai vraiment travailler pour avoir des images qui donnent l'impression qu'on fait un retour en arrière, qu'on voit ce récit-là à travers un filtre, donc pour qu'on ait l'impression que c'est vieux, là. C'est pas actuel. On a vraiment le côté atmosphérique là, très très. J'essaie de le rendre le plus possible, d'avoir de la texture, d'avoir un effet d'atmosphère partout dans l'album. Et à travers ça aussi, j'ai l'impression que tu t'es fait plaisir avec des grosses images, des représentations urbaines, des scènes du New York de l'époque. Tu t'es fait plaisir, mais en même temps, tu t'es fait plaisir en étant très, très pointu aussi. Oui, parce que il y a énormément de recherches, comme je disais tout à l'heure. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait là, pour avoir le plus possible, être le plus fidèle possible à l'époque. Toutes les représentations de New York qu'on voit, c'est avant, c'est début 1929. Donc, il y a beaucoup de buildings qui n'existaient pas encore en 1929. Le Chrysler Building n'était pas construit, le Empire State Building n'était pas construit. Donc, c'est beaucoup de buildings emblématiques qui, finalement, que je ne pouvais pas représenter. Donc, tout ça, c'est des petites choses, des détails que moi, je sais, mais qui ont été un casse-tête quand même à essayer de représenter. Même chose pour les spectacles qu'on représente, que j'amène dans l'histoire. Ben, à peu près à 80%, je dirais, sont historiquement vrais. Là. Donc, il y a peut-être un 20% qui est inventé, surtout les spectacles qu'on voit dans le cabaret des frères Chapman. Mais tout ce qui est, par exemple, tout ce qui se passe à l'extérieur, bon, quand ils font une sortie au théâtre, ben ça, c'est des vrais spectacles qu'il y a eu à cette époque-là, là. Exactement à cette période-là. Et il reste que ces éléments-là, autant le côté ambiant qui est porté par le visuel, autant le détail, l'historique, ça permet, en fait, pour nous, comme lecteurs, de vraiment tomber, de plonger dans l'histoire, puis de se laisser imprégner par l'esprit de l'époque, là. C'est un voyage dans le temps. Mm-hmm. Pour moi, ce que je voulais, c'est qu'on ait une expérience là, de vraiment de retourner en arrière puis d'être à cette époque-là. Et en même temps, avec les choix que tu as fait au niveau des personnages aussi, j'ai l'impression que ça favorise un peu ça, parce que d'un côté, les frères Chapman, on le mentionnait, donc c'est eux reprennent, dans le fond, le théâtre de leurs défunts frères, ils font leurs premières armes dans le milieu au fil du premier tome, et en parallèle, l'autre protagoniste qu'on suit beaucoup, c'est une jeune danseuse qui a cette percée, qui fait aussi ses premières armes dans le milieu, donc un regard peut-être un peu naïf en pleine nouveauté, qui est un peu aussi celui du lecteur sur le récit qui est proposé. Oui, puis bon, le personnage de Fanny est très très candide, là, ce personnage qui est à la limite presque très naïve. Mais c'est un personnage que je veux faire évoluer, donc je voulais la partir de loin, finalement, pour qu'on puisse s'y attacher, qu'on puisse nécessairement se dire, bon, c'est pas une mauvaise fille, là, mais elle doit apprendre encore, là, qu'est-ce que c'est la vie, puis au fur et à mesure du récit, c'est sûr qu'en deux tomes, on n'a pas le temps de faire évoluer trop un personnage, mais j'espère peut-être avoir l'occasion de la faire évoluer dans d'autres tomes supplémentaires. Donc, je me donne cette porte de sortie, là. Et en même temps, justement, de ce que j'en comprends, le décor s'est imposé d'abord et ensuite la réflexion s'est faite de quel genre d'histoire, quel genre d'écosystème on pourrait développer à l'intérieur de ce décor-là? Ça s'est fait pas mal tout en même temps, parce que c'est vraiment la lecture des essais sur l'époque bon, sur la prohibition, sur les spectacles, sur qu'est-ce qu'était New York là, dans les années 20, que oui, en campant le décor, il y avait beaucoup de personnages qui ressortaient, il y avait beaucoup d'anecdotes aussi de cette époque-là qui ressortaient, donc tout ça venait alimenter finalement le récit qui se construisait tranquillement. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire une histoire dans le monde du spectacle. Mm-hmm. C'était ça le cœur de l'idée, là, le point de départ, là. Et en même temps, justement, de cette recherche-là, est-ce que c'est un peu de là qu'est venue cette volonté de mettre de l'avant pas le côté seulement des performances, des spectacles, mais aussi toute la gestion, l'administration autour, justement, du monde du théâtre, du monde du spectacle, parce qu'il y a une bonne part aussi dans Broadway. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie justement de montrer un peu l'envers du décor, comment ça se monte des spectacles, comment on pouvait en arriver finalement à avoir des shows comme ça continuellement dans toute la semaine. Et bon, naturellement, je veux dire, ça reste une bande dessinée de 46 pages. J'ai pas creusé le sujet hyper profondément, mais il reste que tout ça fait partie justement du contexte, puis de ce que les personnages ont à vivre quotidiennement dans leur histoire. Et Jeff, précédemment, en fait, au fil des dernières années, on avait vu un peu ton travail de scénariste, en plus de ton travail habituel de dessinateur avec White Crows. Qu'est-ce que tu as appris de l'expérience White Crows puis que tu as pu transposer dans ton travail sur Broadway? Avec White Crows, ça a été mes premières armes en scénarisation. Puis, je dirais que ça a été... C'est là que j'ai vu que... Finalement, faire une histoire en un seul tome, c'était de la job, c'était du boulot. C'est pour ça que cette fois-ci, en deux tomes, je prends le temps de placer mes choses, je prends le temps de placer mon intrigue, je prends le temps de présenter les personnages pour faire évoluer le récit sur le finalement jusqu'à arriver à la chute du deuxième album. Donc ça m'a donné un peu finalement je dirais que ça m'a fait dire que j'étais capable de le faire. Carrément. Tout simplement que j'avais assez d'expérience pour mener à terme un projet un peu plus costaud comme Broadway. Et à l'intérieur de ça aussi, l'idée, évidemment, c'est toujours le cas en BD, c'est de l'efficacité, surtout quand on est dans un album avec un nombre de pages très limité et le reste. Et justement, à l'intérieur de ça, tu décides d'utiliser, par exemple, des éléments de narration un peu des photos dans l'image qui nous permettent d'avancer, de tabler en quelques phrases des personnages, donc des petits raccourcis comme ça qui permettent de rentabiliser au maximum l'espace que tu as disponible. Ouais, c'est ça, c'est un peu un effet de style, là. J'ai essayé d'intégrer finalement quelques informations par un narrateur qui vient finalement donner des explications, puis en parler de justement des personnages, de leur destin, un peu d'où est-ce qu'ils viennent, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Mais tout ça, c'est vraiment pour pouvoir intégrer le plus possible d'informations, puis faire avancer le récit. Bon, un peu comme finalement Genet a fait avec Amélie Poulain, toujours une espèce de petite introduction de narrateur sur un personnage qu'on va voir à l'écran. Ben, c'est le même principe que j'applique finalement avec Broadway. Pour introduire mes personnages. Et là, évidemment, il y a le deuxième tome qui s'en vient. C'est pensé comme un diptyque. Ça s'en vient quand même dans un horizon assez proche. Il faut quand même que je le réalise là, mais je dirais la fin de l'année prochaine il devrait sortir. Donc peut-être au courant octobre-novembre de l'année prochaine, il va sortir en France. Ce qui veut dire que ici, il sortira peut-être en décembre. Si ça se passe bien, là, on devrait être capable de l'avoir en décembre de l'année prochaine. Et question curiosité, en fait, la série s'appelle Broadway, mais le sous-titre de la série, c'est Une rue en Amérique. Est-ce que tu aimerais éventuellement explorer d'autres rues américaines? Ben exactement. Si justement le diptyque, ce premier diptyque, fonctionne bien, parce que ça reste quand même une histoire complète, là, il n'y aura pas de fin ouverte, là, où est-ce que le lecteur se demandera qu'est-ce qui va se passer après. Si ce premier diptyque-là fonctionne bien, moi, j'ai l'intention de continuer la série, mais sous une rue en Amérique, avec un autre nom de rue. Je sais pas, moi, Hollywood Boulevard, ou ça pourrait être Wall Street. Là. Donc, c'est de continuer avec d'autres noms de rue. En attendant, peut-être, si la série a un bon succès, un jour, le boulevard Champlain. Ou Sainte-Catherine. Ou Sainte-Catherine, peut-être un peu plus. Alors, ben, d'ici là, on met la main donc sur ce premier tome d'un diptyque, donc Broadway de JF. C'est dans la collection Cadran aux éditions Soleil. Et oui. JF, ben, nous, on se dit à la prochaine. Merci, Raymond. Merci à toi. Bye. Alors, et nous, on repart donc en musique, alors qu'on vient de terminer donc cet entretien avec JF, donc qui, je le rappelle, est scénariste et dessinateur sur Broadway, donc premier tome chez Soleil. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de nous suivre également par deux moyens virtuels, notamment facebook.com/lavieenbd, également sur mon blog personnel, voir.ca/raymond-poirier. Et comme à l'habitude, c'est un peu le moment où on fait soit moi du rattrapage, ou sinon on reçoit des collègues qui, eux, sont peut-être un peu plus dans de moins grosses piles de retard sur leur côté. Alors, des albums dont je vais vous parler rapidement, notamment série qui a été lancée le printemps dernier, si je me trompe pas, Patchy, premier tome, chouette série d'ailleurs, donc de Vincent Perriot, donc scénariste et dessinateur. qui nous amène dans la banlieue de Bordeaux. On découvre, l'histoire s'ouvre en fait dans un chantier où on apprend à connaître Pacifique, conducteur d'engin, qui retourne chez lui accompagné d'un ami. Et donc, un personnage très, très particulier qui est vraiment au cœur de ce récit-là. Donc, Pacifique, donc un grand homme coiffé de dreadlocks, donc qui... Et disons, une présence particulière, je dirais, hein, c'est rare que ça ressort un peu comme ça, mais je dirais que dans la BD et dans la façon dont il est amené et sur le regard qu'on porte sur lui, c'est un personnage charismatique, mais charismatique ressort par le dessin. Donc, ce qui fait que ça rend l'ensemble très efficace dans la mesure où on aime à suivre un peu ce qu'il fait, ce qu'il propose. Surtout, il faut dire qu'il y a un aura de mystère qui est autour de lui, un aura de force et de puissance également. Donc, déjà un personnage en quelques pages là, qui capte notre intérêt. On veut savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il va lui arriver, ce qui va lui arriver qui est, selon le scénario bâti par Perio, très très lié justement à ce qui vient avant, cette part de mystère évidemment en lien avec le crime organisé, avec des gens peu recommandables qui veulent soit faire affaire avec lui, soit mettre fin à ses services, et éventuellement on intègre aussi d'autres éléments en lien justement avec sa vie personnelle, avec ses amitiés, qui vont venir agir un peu comme sable dans cet engrenage quand même assez complexe dont on ne voit poindre que le début au fil de ce premier tome. Donc c'est efficace, c'est direct dans la mise en scène, dans la manière dont c'est proposé, là, vraiment un polar efficace. Et je pense que c'est souvent ce qu'on leur demande à ce type de récit, qui est donc premier tome. Déjà le deuxième est sorti en France, si je me trompe pas, va arriver ici sûrement prochainement. Mais je vous dirais, lancez-vous, vous ne le regretterez pas. C'est pas nécessairement un chef-d'œuvre incontournable qui va passer à travers le temps, mais c'est une BD efficace, un polar sympathique, un peu dans la lignée d'autres dont on avait parlé au fil des dernières années. Là, c'est, si on aime ce genre de littérature, on va probablement aimer celui-là. Alors voilà, donc ça s'appelle Patchy, donc c'est de Vincent Perriot et c'est chez Dargaud. Sinon, petit clin d'œil aussi à une série dont on vous avait parlé l'an dernier, premier tome, mais souvent ce qu'on se demande après premier tome, est-ce que ça va tenir le rythme pour le deuxième? Alors, HSE, Human Stock Exchange, tome 2. Encore une fois, chez Dargaud. Ça, c'est de Thomas Allard et Xavier Dorisson. Ça part d'un précepte assez intéressant, en fait, où on dit, ben, si dans le futur... on pouvait coter aussi des êtres humains en bourse, et donc la performance qu'on aurait dans nos vies personnelles et professionnelles viendrait influencer les investissements qu'on ferait sur une personne. On prend des paris sur le succès potentiel que cette personne-là va avoir, les emplois que cette personne-là va occuper et le reste, et évidemment avec les conséquences que ça amène. Alors on suit dans ce cas-ci un vendeur de voitures qui a réussi à se faire mettre en bourse, qui a réussi à atteindre évidemment donc des sommets quand même assez imposants de manière assez rapide, et qui finalement accepte un peu de perdre le contrôle de sa vie. Ça c'est le premier tome, et dans le deuxième, ben c'est un peu les conséquences de cette perte de contrôle, et on va jusqu'au bout de ces conséquences-là d'une certaine manière. On perçoit un peu plus l'influence justement que ces personnes peuvent avoir sur la vie d'un individu quand il y a des montants importants qui sont en jeu. Selon le succès de cette personne-là va obtenir, ben, faut à un moment donné s'assurer que le succès est au rendez-vous, et ça implique peut-être justement modifier les choix que la personne a fait au niveau de sa vie privée, choix de compagne, orienter certaines décisions comme l'idée d'avoir un enfant ou non. Alors, ça pose des questions quand même assez intéressantes. Évidemment, on voit beaucoup de séries à saveur financière sortir au fil des années. Cela est peut-être un peu plus, j'irais, lié à la science-fiction, à l'anticipation, où se permet un certain manque de réalisme est peut-être... rend un peu la série peut-être un peu moins plaisante qu'une autre série sur une thématique similaire comme Hedge Fund, qui elle est très très ancrée dans le réel, où on a l'impression d'avoir peut-être presque un côté pédagogique un peu au-delà des questionnements sociaux liés à l'exploration de l'univers financier. Donc dans ce cas-ci, on a moins l'impression d'avoir justement la connaissance pratique, les questionnements sociaux quand même y sont. On n'est pas dans des choses non plus trop grossies ou trop excessives. On a l'impression qu'on a quand même fait un certain devoir d'être raisonnable dans les les enjeux du personnage principal, donc on va pas nécessairement trop loin non plus. Alors on garde entre gros guillemets un certain réalisme là-dedans. Donc ça reste quand même efficace, une narration rythmée, aiguisée, et on sent cet engrenage là. On est curieux de voir un peu ce qui va arriver au troisième. Donc je dirais dans le registre, ça reste une série efficace. Encore là, pas nécessairement un incontournable, mais quand même une lecture sympathique, bien mise en scène, bien menée, là. Donc ça, c'est HSE, le tome 2. Donc HSE Human Stock Exchange de Xavier Dorisson et Thomas Allard, c'est chez Dargaud. Alors voilà, là-dessus, on prend une courte pause. Au retour en deuxième demi-heure, notamment par les Comic Jam de Québec. Et dans quelques instants, on jase avec Sophie Bédard. Nouvelle saison, nouvelle programmation, c'est la raison pour aller au Palais Montcalm. Musique du monde, Richard Desjardins et Alexandre Dacosta. Glamour tango, populaire, Sarah Sline, Florence K. Folk, Agnès Obel. Plus de 25 concerts tout au long de cette nouvelle saison. Avec les carnets du Palais, ses forfaits d'abonnement sur mesure, économisez jusqu'à 25%. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Détails au palaismontcalm.ca. Le gala et l'autre gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Louis-José Houde qui animera le gala, alors que les Denis Drolet tiendront la barre de l'autre gala, qui remportera les prestigieux prix Félix. Pour le savoir, écoutez l'autre gala et le gala de la disque, deux rendez-vous les 22 et 26 octobre, en collaboration avec Musique Plus, Musimax et ICI Radio-Canada Télé. Tous les détails sur adisque.com. Ce message est diffusé par CKRL 89. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Aventurier voyageur Birmanie, Lulu femme nue, Opéra national de Paris La Traviata, La rencontre internationale du documentaire à Québec présente Le baiser de Tosca, Un loup derrière la porte. Aussi, à ne pas manquer au musée de la civilisation, Un loup derrière la porte, Lulu femme nue. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. CKRL. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir, évidemment, de parler 9e art avec vous. Et on va parler d'une série qui s'appelle Le Glorieux Printemps, donc 4e tome, qui est arrivé au printemps dernier. On est un peu en mode rattrapage, mais il faut se le permettre avec cette série. Ça en vaut largement la peine. Et on voulait justement souligner cette conclusion, donc cet ultime tome de Glorieux Printemps avec son auteur, Sophie Bédard, qui est avec nous. Au bout du fil, bonjour. Oui, allô. Alors, 4e tome, ça fait un bout de temps, évidemment, que tu travailles sur la série, donc la publication chez Pawpaw des différents tomes, c'est, qui a été précédé, qui a été accompagné aussi d'un travail d'autopublication sur le web. Sentiment particulier de terminer un peu ce chapitre-là de ta production BD? Ben oui, ça a été comme un gros bloc qui s'en allait. Je veux dire, ça, j'ai trouvé ça super émotif, en fait, de terminer ça et en livre et sur le web, parce que le livre a été publié et la fin n'était pas encore publiée sur le web, donc ça a été comme deux finales séparées, quand même émotives. Donc d'un côté, un peu libéré de cette histoire-là qu'on a mis un point, mais d'un autre côté, on sait qu'au fil de l'année ou des années à venir, on va s'ennuyer peut-être un peu de ces personnages-là qu'on a fait vivre aussi longtemps. Oui, c'est ça, tu sais, c'est vraiment une histoire que je tenais à terminer. J'avais vraiment envie de mettre un point final à cette histoire-là. Il y avait des gens qui me demandaient « Ah, il va-tu avoir un tome 5, tome 6? » Puis dans ma tête, c'était vraiment clair qu'il allait avoir une fin. Puis au cours des tomes, ça s'est précisé que ça serait au bout de 4 tomes. Donc j'étais contente. Puis en même temps, c'est sûr que je m'ennuie un peu de ce rythme de travail-là, puis de mes personnages. Mais en même temps, j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire sur cette histoire-là, et si bien que ça soit terminé. Et justement, en fait, l'idée de la finale nous amène un peu à ce changement de mode de vie aussi, dans la mesure où c'est la fin du secondaire, c'est le dernier été, c'est le début un peu d'une nouvelle étape pour les personnages, donc on a choisi de les laisser là, finalement. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passe avec ces personnages-là après ça. Dans ma tête, j'avais peut-être envie de, des fois, les faire apparaître en caméo dans d'autres histoires, mais ça va vraiment être des clins d'œil un peu pour le fun. Il n'y aura pas du tout de suite. Je les laisse à l'imaginaire des lecteurs. Et au départ, donc il y a déjà quelques années, qu'est-ce qui t'avait amené vers ces personnages-là, vers le désir de raconter dans Glorieux Printemps un peu l'histoire, la vie, le quotidien de ces perdants sympathiques-là? Ben, c'est des personnages qui sont nés dans mon imagination. Je devais avoir même un peu moins que leur âge. Je pense que j'avais 14 ans quand j'ai commencé à les dessiner. C'est sûr qu'ils ne ressemblaient pas du tout à ça, puis ils ont beaucoup évolué avec moi. Je me souviens qu'au début, les petites histoires que j'écrivais avec ces personnages, étaient super dramatiques parce que j'étais bien ado puis bien emo. Mais c'est vraiment quand j'ai eu 20 ans à la fin de mon cégep que je me suis dit, OK, là, il me faut un projet parce que, en tout cas, j'étais supposée rentrer à l'université puis ça n'avait pas marché puis j'avais pas de job puis je venais d'emménager à Montréal et tout, puis j'avais besoin d'un projet pour un peu me réaligner. Donc je me suis dit, OK, cette histoire-là, ça fait longtemps que je la porte en moi et j'ai besoin que ça sorte et j'ai envie de faire un projet qui va durer longtemps. Moi, dans ma tête, je pensais faire comme 1000 pages en un an, deux ans. Finalement, ça prend un peu plus de temps que ça, mais ouais, c'est ça. Et ce que tu proposes dans Glorieux Printemps, c'est une vision de l'adolescence qui n'est pas non plus le côté sensationnel ou un peu n'importe quoi aussi, en fait, des grosses histoires de drogue, des grossesses surprises, des trucs comme ça. On est plus dans le quotidien, dans les moments plus ordinaires, dans l'ennui presque même par certains moments, là. Oui, ben en gros, c'est mon adolescence à moi. C'est ça que j'ai vécu. J'ai pas eu de... Tu sais, je veux dire, on a tous des petits drames et c'est pas mal des drames ordinaires que moi j'ai vécu. J'ai pas eu une adolescence comme on peut voir dans des séries télé sur l'adolescence des fois. Donc j'avais envie de mettre ça en image, un peu ce quotidien ordinaire-là qui m'avait fait du bien. Moi, j'ai aimé ce passage-là dans ma vie, donc j'avais envie de faire une histoire là-dessus. Oui, puis en fait, on oscille un peu entre l'humoristique avec des moments plus amers, des moments plus difficiles aussi. Donc, tu te gênes pas non plus. Je pense, exemple, dans le tome 4, l'histoire du décès du chien, ce que ça implique dans la relation d'un de tes personnages, Émilie, avec sa mère. C'est quand même assez dur comme moment, là. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'était un moment que j'avais décidé que j'allais mettre en scène depuis le début de la série. Là, vraiment... Dans le fond, ce qui m'intéressait dans Glorieux Printemps, c'était les relations entre les personnages. Donc, c'est vraiment des histoires d'amitié, puis c'est aussi des histoires avec les parents. Il y a des personnages comme, mettons, Micheline, qui a une relation super franche et amicale avec sa mère. Puis, de l'autre côté, il y a Émilie, qui a une relation qui marche pas du tout avec sa mère. Donc, j'avais un peu envie de parler de ça, ouais. Oui, puis en même temps, donc une mise en scène d'un moment comme ça, ce qui est mûrement réfléchi, parce qu'il faut placer les bons éléments pour que ça vienne résonner aussi. En fait, le contexte est là, l'histoire large, on s'est attaché au personnage, mais ensuite, faut bien la mettre en scène aussi pour aller jusqu'au bout de ce sentiment-là. Oui, c'est ça, oui. Et à l'intérieur de ça aussi, j'imagine, Sophie Bédard, ce qui donne un coup de pouce, c'est dans les choix des personnages, tu as choisi quand même d'aller chercher des personnalités assez variées, aux antipodes sur certains points, un peu comme tu le disais avec les parents, c'est valide aussi avec les quatre ados qu'on retrouve dans Glorieux Printemps. Oui, ben oui, c'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de mes amis qui se retrouvent dans certains personnages. Moi-même, je retrouve certains aspects de ma personnalité dans plusieurs personnages, dont Émilie et Micheline, qui se ressemblent pas du tout. Donc, faire interagir des personnalités comme ça qui se ressemblent pas, je trouve ça assez le fun. Une personnalité super négative, puis quelqu'un qui est super à l'aise avec qui elle est, puis positive comme Micheline, c'est quand même très drôle et ça peut apporter des situations cocasses. Et à l'intérieur de ça, dans les quatre tomes, en fait, il y a toujours une trame, évidemment, à travers ça, mais il reste que la trame qui importe, comme tu disais tout à l'heure, c'est les relations humaines, c'est l'émotion, c'est les dialogues, c'est les échanges. Est-ce que ça rend un défi particulier au niveau de la scénarisation, de la préparation des tomes, notamment, ou de la relation des quatre tomes les uns entre les autres? Sur ce point-là, Glorieux Printemps, j'ai l'impression que c'est quand même assez particulier parce que quand j'ai commencé ça, c'était vraiment un truc qui était improvisé. Puis je pense que ça peut se lire quand on lit les deux premiers tomes, en fait, surtout le premier. Le deuxième, ça commence à avoir plus l'aspect d'un tome en tant que tel. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est juste à partir du quatrième que je me suis mis à vraiment scénariser parce que là, j'avais besoin de clore mon histoire alors qu'avant, j'étais beaucoup plus libre. Mm-hmm. Donc là, il avait vraiment fallu que je dose mes trucs parce que j'avais aussi des scènes que je voulais qu'elles soient importantes puis que je voulais qu'elles soient bien situées dans ce tome-là. Donc, c'est vraiment plus sur ce point-là. Ouais. Donc, j'ai l'impression que si on lit Glorieux Printemps, on doit avoir l'impression qu'au début, c'est comme beaucoup plus, ça respire beaucoup plus, c'est beaucoup plus improvisé, ça s'en va un peu n'importe où. C'est vraiment au fur et à mesure que, dans le fond, le lecteur peut peut-être apprendre avec moi, ben, comme, me suivre en tant que scénariste, me voir évoluer, dans le fond. Oui, de voir un peu de quelle manière, d'un côté, ton dessin, ton trait a évolué, de l'autre côté, comment tu as décidé de prendre le contrôle un peu de la bête que tu avais créée pour remplir le mandat de terminer, comme tu disais, l'histoire à un moment donné. Puis j'imagine qu'il devait avoir aussi un certain défi à choisir la dernière image, les dernières pages, les derniers moments de cette histoire-là. Donc, comment on réussit à bien conclure ça aussi? Oui, c'est ça. Il a vraiment fallu que je planifie beaucoup plus, puis ça... En fait, j'ai beaucoup appris en écrivant Glorieux Printemps. J'ai l'impression que c'est vraiment une série. Déjà, juste le fait que j'ai fait une série, c'était mes premiers livres que je publiais, le fait que ce soit une série, j'ai beaucoup appris en écrivant ça. Puis c'est ça, le quatrième, il a vraiment fallu que je prenne des décisions, puis que j'essaye. Puis, tu sais, déjà sur la version web, il y a des trucs qui sont changés de comparé au livre. Parce que au fil des discussions, je me suis rendu compte que ça serait mieux si j'ajoutais une page là, ça serait mieux si je faisais telle chose à la place. Donc, c'est ça. Et d'une certaine façon aussi, on essaie d'explorer, j'ai l'impression, différents personnages. En fait, chacun a un peu une histoire dominante. Dans le cas du quatrième tome, c'est beaucoup Émilie, c'est beaucoup Antoine aussi, où on porte un regard sur l'idée justement de quitter la maison. C'est beaucoup une thématique qui revient, quitter, rester, un peu en lien avec la fin du secondaire aussi. Donc, est-ce qu'on dirait que c'est peut-être un peu le lien de ce quatrième tome, au bout du compte? En fait, ça non plus, c'était pas quelque chose qui était vraiment pensé d'avoir comme un personnage par tome, mais c'était plus une solution d'édition. Tu sais, quand on a commencé à publier les tomes, d'avoir un personnage par tome, déjà, je savais pas quel personnage serait sur les couvertures, puis finalement, quand je suis arrivée comme à la publication du troisième, où là, c'était Mathieu sur la couverture, puis l'histoire du tome tournait plus autour de lui, ben ça s'est clarifié dans ma tête que ça serait autour du personnage d'Antoine que le quatrième tournerait, et donc Antoine et d'Émilie, parce que c'est un peu plus elle, le personnage principal. Mais ouais, autour de la thématique de partir de la maison, puis un peu devenir un adulte, en gros. Et la suite pour toi, après Glorieux Printemps, j'imagine que si tu es à la recherche de défis, ça va être d'aller complètement ailleurs, en fait, de voir un peu qu'est-ce que tu peux offrir dans un autre univers complètement, ou au contraire, ça va être plus d'essayer de poursuivre un peu l'exploration, puis d'essayer de pousser ça plus loin? Oui, bien, l'histoire que je suis en train de... sur laquelle j'essaie de travailler, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. C'est un truc fantastique, absurde, avec... des magical girls, dans le fond, c'est un type de super héroïne qui vient du Japon avec des pouvoirs magiques puis un animal magique. Puis je voulais faire un truc qui se passe à Montréal puis qui soit super comique en même temps. Donc ça ressemble vraiment pas à Glorieux Printemps. C'est encore un truc sur l'adolescence. Donc on dirait que c'est un thème qui revient chez moi. Mais mis à part ça, c'est vraiment dans un univers complètement différent. Alors, on découvre ça bientôt, évidemment, mais d'ici là, c'est le moment ou jamais, donc, de profiter des quatre tomes de Glorieux Printemps qui sont disponibles, je le rappelle, aux éditions Pow Pow. Sophie Bédard, merci beaucoup. Mais merci à toi. Puis au plaisir. Au plaisir. Alors voilà, on vient s'entretenir avec Sophie Bédard, je le rappelle, donc, scénariste et dessinatrice sur la série Glorieux Printemps. Thank you. Et je le rappelle, au fil de l'émission de cette semaine, on a entendu quelques petits extraits de l'album The First EP de Alf Person, des albums qui sont disponibles sur le web, toujours autour de la sphère 8 bits. C'est la trame qu'on a choisie pour notre série La vie en BD. Et là-dessus, ben, on porte maintenant un regard sur les rencontres mensuelles qui ont lieu à Québec, qui ont des extensions sur le web à travers le blog confiturebdquebec.blogspot.ca et qui ont également, depuis la fin de l'été, une extension papier aussi avec un fanzine qui est offert. Ça s'appelle les Comic Jam de Québec. Et pour nous en parler, trois participants à ces événements. Rémi Paradis, bonjour. Salut Raymond. David Gauthier, bonjour. Bonjour. Et André Gagnon, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait quoi, à peu près 2 ans que ça existe, les Comic Jam? Qu'est-ce qui vous a amené à soit lancer l'initiative puis participer aussi de manière assez régulière? Ben, on recherchait à se regrouper entre auteurs puis à dessiner en gang, tout simplement, pour avoir du fun, là. Ouais, le plaisir de pouvoir improviser de la bande dessinée live avec des amis puis faire ça, ce qu'on aime, en fait, dessiner. N'est-ce pas, David? Oui. Ben, moi, je suis tombé là-dessus, c'était par hasard. J'étais allé au lancement du Bob, j'étais tombé sur Rémi Paradis. Il m'a dit, connais-tu un peu la BD à Québec? On fait des regroupements, nous autres, on se rejoint, on dessine. Puis, je savais pas pantoute que ça existait. Ça fait que je suis allé voir, puis depuis, je suis rendu accro. Et qu'est-ce que c'est, justement, peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi un Comic Jam? Ben, c'est... chacun commence une case, puis après, un autre... fait la case suivante, puis ça donne une planche complète, ben, puis on se donne aucun thème, puis c'est vraiment libre, là. C'est des BD qu'on improvise un après l'autre pour le fun, là. Juste pour... Il y a peut-être seulement quelques soirs occasionnels, comme à l'Halloween, là. On va se laisser aller à faire des trucs un peu plus Halloween, ou quand il manque un participant comme David Gauthier, on se dit, tiens, on va faire des bandes dessinées sur David Gauthier. Pourquoi pas? Oui, c'est comme ça qu'est apparu le Baron Brun. Donc, c'est vraiment l'idée de s'amuser, s'enfiler, de se lancer un peu pour dessiner, pour crayonner, pour voir un peu de quelle manière, un peu à la façon d'un cadavre exquis, dans le fond, on va être capable de construire une histoire. Exact. On fait souvent même des pages qui sont pas nécessairement terminées. Des fois, il reste 2-3 cases parce que la soirée est terminée, il faut s'en aller. Et on les garde, puis on les ressort au prochain Comic Jam. Puis là, ben, tiens, j'ai une idée pour la terminer. Puis c'est ça. On la finit, puis... On peut même faire une deuxième page, on l'extensionne, on fait 3 puis 4 pages avec. C'est déjà arrivé, au moins 4 pages, je pense. Ouais, c'est ça. On est parti sur un thème genre médiéval, puis là, on se lâche lousse, là. Ouais. Une page chacun, là, puis... Ça nous inspire, puis là, on se laisse aller dans des décors de fous, puis des cases. On essaie de respecter toujours le style aussi du celui qui commence la BD. Si c'est un style médiéval, ben, avec plus ou moins de détails, on essaie de respecter le trait, la grosseur du trait, le personnage, faut qu'il se ressemble. On a plein de contraintes, quand même. Ah, mais on fait pas ça tout le temps, là. Des fois, là, ça donne des trucs flyés, là, puis vraiment, ça va dans tous les sens, là. Des fois, là, on se fonce dedans, là, carrément, là. Il y a même qu'au début, il y en a qui s'amusaient à essayer de se faire des petites jambettes pour la case d'après. Tiens, on va essayer de le mettre dans le pétrin, voir comment il va faire pour s'en sortir. Ça arrive encore souvent, puis c'est faut bien qu'on ait un peu de plaisir là-dedans. Et est-ce que vous travaillez seulement sur une histoire pendant la soirée, ou c'est vraiment, mettons, chacun commence une histoire, puis ensuite on s'échange la feuille, puis chacun commence l'histoire du dessinateur précédent, ou continue? Chacun commence une histoire, puis même des fois on a le temps d'en faire 2 puis 3, fait que ça dépend. Il y en a qui sont lents, comme moi, j'en fais à peu près une, parce que je placote tout le temps. Fait que j'essaie de dessiner un peu plus, et de parler un peu moins, parce que des fois, il y en a qui s'en vont dans un coin, ils font juste parler, ils regardent, c'est vrai, je vais faire peut-être une petite case, ils ont le temps de même pas en finir une, parce qu'ils sont très lents. Ouais, c'est vrai que des fois, il y a un aspect social à ça qui est très important. Ça va être l'occasion de rencontrer d'autres BDistes, d'autres dessinateurs, puis de pouvoir échanger aussi sur des nouvelles techniques, des nouveaux crayons que les gens ont essayé, des fois des conseils sur le papier. Il y a quand même beaucoup à apprendre au Comic Jam. C'est pas juste du délire, il y a aussi un bon aspect technique à tout ça. Oui, parce que d'une certaine façon, en fait, il y a des rendez-vous qui existent, notamment avec le festival ou des choses comme ça, le Festival de la BD de Québec, mais ça reste des rendez-vous annuels. Il y avait peu de rencontres vraiment établies au calendrier, ça donnait plus des rendez-vous informels. Alors avec les Comic Jams, ça vous permet de dire, ben là, si vous pointez à tel endroit, tel jour, ben c'est sûr que vous allez voir des collègues, vous allez trouver des gens avec qui dessiner, etc. Oui, puis en plus, il n'y a pas de pudeur aussi là-dedans. C'est pas les gens vont dire, ah, nous, on est l'élite, non, on accepte les nouveaux aussi. Ceux qui ont beaucoup d'expérience vont être là pour les encadrer. C'est un bel échange, honnêtement. Ouais, moi-même, j'amène des trucs, des fois, des nostalgies qui me prend. J'amène des vieux numéros de Safari, des reliques. Regardez les premiers fanzines auxquels j'ai participé. Puis là, je dévoile ça devant leurs yeux ébahis. On s'amuse comme... Oui, dans le temps qu'il y avait les cheveux longs, puis une grosse barbe. Puis une moustache, ouais, j'étais beau. Et dans certains cadres aussi, il y a des Comic Jams qui sont insérés dans des événements, comme on parlait du festival, vous en avez fait à Montréal aussi. Là, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens aussi qui passent par ces activités-là. Je pense que je voyais juste dans les fanzines le nombre d'auteurs, et on dirait qu'il y a un groupe de base qui est récurrent, puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui passent, qui viennent une fois, deux fois dans l'année, donc pour profiter un peu de cette occasion-là. Oui, exactement. Ça varie beaucoup. On a toujours un noyau dur, je dirais, de 4-5 là, personnes. Hein? Ouais, ouais, c'est puis, ça. On est là depuis le début, presque. Puis on est prêt là presque à tous les soirs. Et il y a peut-être une quinzaine de personnes, je dirais, qui gravitent autour, peut-être 20. Là. Mais c'est comme la dernière fois, je pense qu'on était 14, je pense, là. Puis t'étais pas là, Rémi. Ah, des choses qui arrivent. Il a manqué son coup. Et qu'est-ce qui fait... bon, évidemment, les créations sont disponibles sur le web depuis quand même un certain temps, mais en août dernier, vous avez décidé aussi d'offrir une version fanzine, une version papier. Pourquoi faire cet ajout-là? Ben, parce qu'une bande dessinée, il me semble qu'il faut que ça soit publié, édité dans un format que tout le monde connaît. Donc, il faut avoir une trace quelque part de ce qu'on a fait. Il me semble qu'il y a des trucs quand même pas si pires. Oui, on prépare les reliques du futur. Ça permet, j'imagine, aussi plus facilement de pouvoir voir un peu le travail que vous avez fait qui, d'un côté, pour le dessinateur, est associé à des souvenirs de certaines soirées qui, pour le lecteur, peut permettre aussi de voir des fois une évolution stylistique aussi. J'imagine que si on voit les productions des premiers Comic Jam et en deux ans où vous en êtes rendu côté dessin, pour certains, il doit avoir une belle progression aussi. C'est sûr. Oui, j'ai beaucoup appris là-bas, ça je ne le cacherai pas. Et le produit fini est un peu à l'image, en fait, vous le disiez tout à l'heure, André Gagnon, David Gauthier, Rémi Paradis, c'est très absurde, c'est très spontané. En fait, on dirait que c'est un peu l'esprit cadavre exquis, l'esprit bonne humeur, en fait, qui prédispose un peu déjà à l'exploiter la sphère humoristique, la sphère absurde. Ah, bien sûr, on essaie même de se trouver des nouvelles manières de raconter, d'illustrer. Même on se donne des petites jambettes, ben pas juste des jambettes, mais des difficultés personnelles, dessinées avec un autre crayon qu'on n'utilise pas d'habitude. Une nouvelle manière, juste pour essayer, là, pour dire, tiens, j'ai juste une case à faire, anyway, ça c'est pas comme faire une bande dessinée au complet, là, c'est... Oui, en fait, on dirait que le défi n'est pas le même non plus, effectivement. Mais il reste qu'en même temps pour faire avancer l'histoire. Donc, je ne sais pas, c'est déjà juste l'idée d'écrire à 4 ou 6 mains, il y a quand même certaines difficultés. Donc, si on tombe en plus dans le spontané, ça reste une espèce de récit sans filet aussi, d'une certaine manière. Ah oui, c'est sûr. Il y a toujours des surprises. Il y a des agréables surprises. Il y a d'autres, des fois, on dit « Qu'est-ce que t'as fait là? » T'as scrappé mon idée. C'est pas ça. Je voulais pas aller là. C'est pourquoi? Ah, mais des fois, ça revient. C'est ça. Ça bifurque. Ça prend une autre tangente. Puis on aime autant ça. C'est différent. C'est juste différent. Puis c'est plaisant. C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai à chaque fois, c'est déjà fini. Il faut s'en aller déjà. Ah, ben, dans 2 semaines, les mecs. Hey, salut. C'est comme notre rencontre obligée. Donc, c'est aux 2 semaines? Oui, c'est aux 2 semaines. On se rencontre assez très régulièrement. Puis, j'ai comme besoin de ça pour sortir de chez nous. Parce qu'on fait un travail assez solitaire quand même. Donc, on est chez nous, devant notre tabac de dessin. Puis là, on se parle par Facebook, l'outil de communication. Mais on se voit pas. Fait que là, ben, de voir des feuilles de papier, voir comment l'autre, il dessine. Ben, de voir comment il est lent. Ou comment il est vite. T'sais, des fois, comment tu fais pour aller vite de même? Et on a un, lui, je pense qu'il doit faire à peu près 3 3-4 pages en dessin par soir, là, quand il vient, là, en équivalent de. Il est tout le temps là. J'ai fini une case, hein? Puis là, il envoie une page. Ouais, ouais. Ah, ben, fais-en d'autres. Des fois, il y a même. Il fait 2 puis 3 cases dans sa page à lui parce qu'il est trop vite. C'est ça. On a chacun notre rythme, chacun notre vitesse. Puis, oui. Puis on dit souvent, en fait, la seule manière, justement, d'apprendre à dessiner, c'est de dessiner au bout exact. De compte, là, au-delà puis, de la théorie. Là. Souvent, il y en a qui font des crayonnés, puis là, ils sont là, puis ils lèchent leurs beaux petits dessins. Il y en a d'autres qui vont direct avec le crayon feutre, puis c'est, on se casse pas la tête. Puis des, fois, des fois, s'il y a du travail en équipe. Oui. Des fois, ça m'arrive d'être avec Alex. Alex commence à faire un truc, je retravaille par-dessus, puis on rempile un par-dessus l'autre, puis éventuellement, ça fait un dessin que personne n'avait le contrôle, mais il est apparu de lui-même, le dessin. Ah oui, c'est vrai, il y a des bonnes collaborations comme ça. Donc, le plaisir de se laisser surprendre. Ouais. Ouais. Puis, au niveau, en fait, donc, du fanzine, est-ce qu'on publie l'intégrale des histoires des soirées ou on fait quand même une sélection, un best-of, un peu? C'est Rémi qui fait ça. Ben, j'y ramasse à chaque soir, puis j'essaie de prendre ce qui peut rentrer dans le magazine, en tout cas. Là. Mais j'essaie de tout publier, là. Parce que j'ai tellement de stock, là, en tout cas. Il y a beaucoup de stock, puis il y a aussi différents formats. Il y a des fois, on a travaillé sur des grandes feuilles 14-17, puis il y a d'autres fois, c'est 3 par 4 pouces. C'est des formats très différents. Ouais. Donc, des fois, la qualité est sur le petit, c'est moins joli. Sur le gros, c'est très gros. Là, il faut scanner ça quasiment en 4 shots. C'est pas... Ouais, c'est ça, c'est plus long. Là. C'est un peu plus long, là. C'est un peu plus ardu. Fait que peut-être que je pense qu'il doit scanner ce qui est plus facile à scanner en premier. Ouais. C'est pas nécessairement un ordre chronologique qui est respecté. C'est juste qu'est-ce qu'il adonne puis qu'est-ce qu'il a trouvé à ce moment-là. Parce que je pense qu'il y en a même des auteurs qui partent avec des pages qui ont commencé chez eux. Fait que là, les pages se retrouvent chez un, chez l'autre. Ah, j'en voyage. Ai trouvé 3 chez nous. J'en ai trouvé 2 chez nous. Puis là, ils les ramènent. Puis là, on va la finir. Fait que c'est pas toujours Rémi qui les a. Et donc, j'en ai quelques-unes chez moi. Et donc, on peut trouver la résultante sur Internet, donc confiturebdquebec.blogspot.ca. Sinon, la version papier, on peut la trouver... Ben, il y en avait un peu à la librairie première issue, mais je pense qu'il n'en reste plus. Puis, en fait, j'essayais de développer un concept que les libraires puissent les acheter, mais en fin de compte, je les donne juste aux membres gratuitement. Puis aux personnes que je connais. Donc, ça circule, si on vous croise, ou si on en veut, on vous écrit sur Facebook. C'est ça, exactement. Donc, vous allez en avoir. C'est certain. Alors, Rémi Paradis, David Gauthier, André Gagnon, merci beaucoup. Et prochain Comic Jam, c'est... Ouais, ça devrait être la semaine prochaine, je pense, mercredi, à Brûlerie Saint-Roch, tout simplement. Et on relaiera l'invitation sur le Facebook de La Vie en BD. Merci à vous trois. Merci. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. On se retrouve vendredi prochain avec une autre édition, notamment on porte un regard sur le magazine BD Planche. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous à La Vie en BD ici au 89.1 CKRL.